بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من اتبعهم يسن ليوم الدين أما بعد الدرس الماضي كملنا مسألة المعية فما هو الخلاصة يعني المعية الفت دفشمي ك الله est avec nous inclus que il est dans sa création أصلاً في المع في المعنى مع لا يلزم أن يكون في بوجوده une présence cela n'inclut pas forcément une présence نعم فهذا يدل على أن معنى مع الظاهر son apparent n'est pas forcément comme le conçoit certaines personnes tu peux dire أنا معك je suis avec toi ou quoi sans pour autant être présent avec ta personne donc le fait de dire que Allah est avec nous par son ilm c'est pas un tahrif et c'est pas un ta'wil. نعم الآن سنواصل في بعض الشبهات ونرد عليها قال رحمه الله تعالى المثال السابع والثامن septième et huitième يقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد que nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire وقوله نحن أقرب إليه منكم nous sommes plus près de lui que vous حيث فسروا القرب فيهما بقرب الملائكة que cela est interprété cette proximité par celle des anges et non par celle d'Allah عز وجل بذاته alors que eux les Mu'attila veulent nous contraindre à dire que c'est Allah qui est présent qui est proche de sa créature par son essence والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. Donc là, le fait de dire que ce soit les malaïques qui sont proches, ce n'est pas, ça ne sort pas le texte de son apparent. Pour celui qui médite bien le texte. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيما فيها بما يدل على ذلك حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلاقيان عن اليمين وعن الشمال وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي قوله إذ يتلقى دليل donc quand on médite bien justement sur le verset quand il dit dans le sens que nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire Et lorsqu'ils justement se rencontrent, c'est-à-dire les Mutalaqiyyin sont les deux anges, celui qui est à la droite et celui qui est à la gauche, et que la personne ne prononce pas une parole sans qu'il n'ait justement un scribe qui note tout ce qu'il dit. Donc là, ça démontre quoi ? Que ça parle des anges. Ça parle des anges. وَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَ فَإِنَ الْقُرْبُ فِيهَا مُقَيِّدْ بِحَالِ الْإِحْتِضَارِ والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون donc le deuxième verset qui lui était نحن أقرب إليه منكم là également cette proximité elle est définie par une venue. Et celui qui vient lors de la mort du Abd, c'est qui ? Aïwa. Ce sont les malaïkas. Comme le prophète, dans le sens où il dit, jusqu'à ce que l'on vienne la mort à l'un d'entre vous, et que nos anges, nos messagers, c'est-à-dire nos anges, retirent son âme. Thumma inna fi qawlihi, walakin la tubsirun, cependant vous ne voyez pas, دليلا بينا على أنهم الملائكة. C'est une preuve claire que ce sont les malaïkas, les anges. إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستلاحة ذلك في حق الله عز وجل. D'accord, ce qui prouve que cette proximité, c'est celle dans un même lieu, celle des anges que nous ne voyons pas, car il n'est pas possible que Allah عز وجل soit dans un même mécan que nous. وبقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ Qu'est-ce qui prouve justement pourquoi est-ce que Allah a attribué cette proximité à lui-même? Hein, pourquoi est-ce que cette expression a été employée, cette formule a été prise de cette façon-là? Et qui nous prouve que ce sont bien les anges qui sont voulus par Allah. فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهو وهم جنوده ورسوله وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Donc la réponse est que Allah a attribué cette proximité des anges à lui, à lui-même, car ses anges sont proches par son ordre. Et eux, ils sont ses troupes et ses messagers. Comme cela est venu, à l'exemple, dans le Coran, lorsque Allah Azzawajal, dans le sens où il dit, et lorsque tu lis, et lorsque nous lisons le Coran, voyez, alors suis sa lecture. Hein? Lorsque nous lisons, alors suis sa lecture. فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى كذلك جاء في طيب on va le dire après ça. Donc le fait là maintenant c'est que c'est la lecture de Jibril alayhi salam, car c'est lui qui descend le Coran sur le Nabi صلى الله عليه وسلم. Et malgré cela, Allah a attribué cette lecture, cette récitation à lui-même. Pourquoi? Car Jibril a récité le Coran sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par ordre d'Allah azza wa jal. D'accord? Donc cela lui a attribué. Mathalan, كما جاء في قول الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم أروا وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الَّذِينَ هُمْ رُسُلْ اللَّهُ تَعَالَى. Comme dans le Coran, cela est venu dans un autre exemple, où Allah Azza wa Jalla dans le sens où il dit, et lorsque la peur s'en alla de Ibrahim, et que la bonne nouvelle, c'est-à-dire de son fils, lui fut annoncée, il se mit à débattre avec nous à propos du peuple de Lot. Et Ibrahim, à qui il parlait à ce moment-là? Aux anges qui ont été envoyés, et non pas avec Allah Azza wa Jalla. Lakin Allah Azza wa Jal a attribué ce jidel à lui-même. Pourquoi? Car ses anges ont été envoyés par lui. C'est comme lorsque tu dis que tu as envoyé quelqu'un parler en ton nom. Yuqal an hadha ar-rasul allazi arsaltah rasuluk fal kalam kalamuk. Tu envoies un messager pour parler à quelqu'un, la parole c'est la parole de qui? C'est la tienne. Donc quelqu'un peut dire « Foulen m'a dit » alors que le kalem lui est parvenu par un intermédiaire. Mais il peut dire « Foulen m'a dit ». Comme le tawakkul, kazalik, un homme veut marier sa fille et il n'est pas présent. Il voit quelqu'un pour être un wali. Et malgré cela, on dira que le aqd lui a été attribué à lui. Que son père, le père a marié sa fille. Et malgré cela, il était absent, il a wakkel, il a délégué quelqu'un pour le faire. Et on pourra dire, la fille pourra dire « Mon père m'a marié ». مثال التاسع والعاشر 9e et 10e. Celui-là, il y a une partie qu'on avait prise dans Tadmouriya. قال الله تعالى في سفينة نوح تجري بأعيننا. Par propos du bateau de Nour, qu'il dit qu'elle vogue sous nos yeux. Maintenant, on l'expliquait. بأعيننا en français, lorsqu'on traduit nous-mêmes, on donne directement le sens apparent. C'est pour ça que les gens ne vont pas s'en rendre compte. En arabe, on voit la différence qu'il y a. Mais en français, ça vient tout de suite. Donc là, quand on tarjem, on ne s'en rend pas compte de où est la choubouette là-dedans. Et la choubouette, c'est par rapport à Bi. Wa qawluhu li Musa wa li tusna'a ala ayni. Vous voyez, pour que tu évolues sous mes yeux, à la base. Et là, c'est ala ayni, c'est-à-dire sur mes yeux. Donc eux, ils ont voulu nous inclure quoi? Nous contraindre à dire quoi? Que le bateau de Nour, alayhi salam, vogue dans les yeux d'Allah, azza wa jal. Et que Moussa, alayhi salam, évolue, Moussa, sur les yeux d'Allah, azza wa jal. Wal jawabu an al ma'na fi hatayn ayatayn ala zahir al kalam wa haqiqatihi, lakin ma zahir al kalam wa haqiqatuhu huna. Donc là, le kalam, il était pris selon son apparent. Mais maintenant, c'est quoi son apparent? C'est quoi sa réalité ? هل يقال أن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في أعين الله وأن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تعالى أو يقال أن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وكذلك تربية موسى عليه السلام تكون على عين الله تعالى ويرعاه ويكلأه بها. Donc maintenant ça veut dire quoi ? Est-ce que cela veut dire que l'apparent et la réalité c'est que le bateau de Nuh alayhi salam vogue dans les yeux d'Allah azza wa jall ou que Moussa est élevé au-dessus des yeux d'Allah, ou alors cela veut dire que le bateau de Nuh alayhi salam vogue alors que les yeux d'Allah l'observent et kadhalika que Moussa est élevé tamam et que Allah également l'observe par ses yeux. قال ورا ريب ان القول الاول باطل من وجهين. Donc le premier call, c'est-à-dire à l'intérieur des yeux, au-dessus des yeux, il est faux, ce call-là, sans aucun doute. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي. والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Donc là, cela ne ressemble pas du tout à l'usul emprunté dans la langue arabe. Et le Coran est descendu en quelle langue ? En langue arabe, clair. Comme Allah dans le sens où il dit, ils nous ont fait descendre un Coran en langue arabe pour que vous puissiez raisonner. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مميد. Que il était descendu par le Ruh Amin sur ton cœur pour que tu sois parmi des avertisseurs avec une langue arabe claire. ولا حد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني ولا من من ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني وأن تخرجه كان وراكب على عيني ولو ادعى مدعينا أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. Donc il n'y a personne qui va comprendre que si quelqu'un te dit Fulane parcourt, là c'est pareil, c'est en français, ça apparaît pas. Parcourt, يعني بعيني, à la base serait ce que bi حرف جر بي يأتي بمعنى بعدة معاني, plusieurs sens. Parmi ces sens, il y a معنى في à l'intérieur. Salam, comme on disait auparavant, dar al hadith bi damaj. Dar al hadith, en fait, qui est à damaj, yani fi damaj, ma'na fi damaj. Donc là, il n'y a personne qui va comprendre lorsque tu parles en arabe. Maintenant, en français, on ne peut pas le dire, parce qu'en français, on va directement dire le sens. Quand on va avoir, serait avec, ou par, ou kaza. On n'a pas un terme qui a un emploi commun qu'on peut employer pour ça ou pour ça ou pour ça. On n'a pas d'équivalent. Donc ça ne pourra pas apparaître là dans le ders. Mais personne ne va comprendre lorsque tu lui dis cela, que la personne, qui parcourt dans tes yeux. Il a dit, celui qui comprend cela, il y a même les souffleurs vont rigoler, alors que dire des gens qui ont une raison. Il n'y a personne qui va comprendre cela de ton calem. Donc là, ça veut dire déjà, c'est un premier wesh qui fait que c'est impossible. C'est comme nous en français, on va dire, quelqu'un va te dire, ton père te dire, hey, fiston, je t'ai à l'œil. Ça veut dire quoi, je t'ai à l'œil? Tu surveilles. Est-ce que ça veut dire que je te posais dans mon œil, à l'intérieur? Non. Et bien là, c'est la même comparaison. La phrase, elle est claire en soi. Celui qui comprend la langue, il sait ce que la personne veut dire par là. Et ça n'inclut pas une chose renfermée à l'intérieur. والثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولو حل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عما ذلك علوا كبيرا عن ذلك غلوا كبيرا. Donc là, bien évidemment, cela est impossible pour Allah Azza wa Jal que ces choses-là se passent dans ses yeux. D'accord ? Cela est impossible. Pour toute personne qui sait que Allah est moustawi sur son arche, c'est pas de sa création. Et celui qui aurait estimé Allah sa juste valeur ne pourra jamais penser cela. فإذا تبين بطلان هذا من ناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام والقول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكرأها. Donc maintenant quand tu as compris cela, le sens était apparent direct. ما معنى هذا؟ Que le safinat de Nuh vogue sous l'observance des yeux d'Allah Azza wa Jal. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأها أو يكلأه بها. Pareil pour l'éducation de Moussa. Nefs ma'ana. وذا معنى قول بعد السلف ب بمرأة مني فإن الله تعالى إذا كان يقرأه بعينه لازم من ذلك أن يراه تحت ساتوا D'accord, toi? Non, ouais. Moi, j'ai pas le... Inch'Allah. ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة وتضمن والالتزام. Et là, il répond justement que l'implication d'un sens authentique est une partie de ce sens authentique. Comme cela est connu, comme on est pris par les quel dalala, celle de la mutabaqa, du tadammun et l'ultizam. Et ça, on avait pris dans At-Tadmuriyah. Tazkour. C'est la même chose pour fi. Anna Allah fi sama. Ma'na fi, ma'na ala. Comme dans d'autres versets, cela est venu que fi est venu avec le sens de ala. Comme quand l'Azza wa Jal. Je vous crucifiez. En arabe, c'est dans. Mais en fait, c'est sur le tronc du palmier. Al-Mithal al-Hadi Ashar. Onzième exemple. قوله تعالى في حديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت السمع هو الذي يسمع به وبصره هو الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها dans le même hadith Qudsi que Allah Azza wa Jalla l'a dit que mon serviteur ne cesse de se rapprocher par moi par les nawafil, choses obligatoires. Il sait ce que je l'aime. Et avant cela, il dit quoi Allah Azza wa Jalla ? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu ilayhi. Que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par une chose plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Du moins que mon serviteur ne se rapproche de moi pas une chose plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ce qui prouve que les obligations passent avant les actes obligatoires. Donc il dit, après, qu'il ne cesse de se rapprocher de moi par les choses surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si jamais je l'aime, alors je serai son ouïe par laquelle il l'entend, sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il saisit, et sa jambe par laquelle il marche. Et que s'il me demandait, je lui donnerais, et s'il cherchait refuge auprès de moi, alors je lui accorderais refuge. Hadith Azim Jiddan. Ce qui démontre que quelqu'un qui veut le tawfiq d'Allah Azza wa Jal, comme cela va apparaître dans l'explication, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par remplir ses obligations. Et après, il renforce cela par les actes surrogatoires. C'est pour ça que tu vois que les gens loin de l'ibada et loin des actes surrogatoires à Kaza sont les gens les plus loin de la vérité souvent et qui s'égarent les premiers. Les premiers à s'égarer, ce sont ceux qui sont faibles en ibada, qui sont occupés par la dunya ou les alika, quand même, mashroul par la tijara, le commerce et autres. Qui ne donnent pas d'importance à l'ibada et à l'apprentissage de la science. Tu les vois, ces gens-là, souvent les plus loin hein, des positions authentiques à prendre lorsqu'il le faut. Wallah musta'an. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق. وأخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وقروه على حقيقته. Donc les salaf ont pris ce hadith selon son apparence et sa réalité. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال أن ظاهره أن الله تعالى يكون السمع الولي وبصره ويده ورجله أو يقال أن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. Donc maintenant, il dit, maintenant, que veut dire la parole du texte? Est-ce que cela veut dire que Allah Azza wa Jal, c'est lui du wali, ou sa vue, ou sa main, ou sa jambe, ou bien alors la parole, c'est que Allah, justement, ajuste son wali dans son ouïe, c'est-à-dire qu'il écoute ce qu'il faut écouter, dans sa vue, c'est-à-dire qu'il voit ce qu'il faut voir, dans sa main, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il faut prendre, ou dans sa jambe, c'est-à-dire qu'il marche vers là où il doit aller. C'est-à-dire qu'il fait les choses pour Allah, par Allah, quand même, et fillah, c'est-à-dire parce que Allah l'a voulu de lui. Qu'il est sincère, qu'il est muwaffaq, et qu'il suit les ordres. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل لا يقتديه الكلام لمن تدبر الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. Donc maintenant il ne fait aucun doute que le premier call, c'est-à-dire que Allah est l'ouïe, est la vue, est la main, est la jambe, هذا قول باطل. Pour celui qui aura médité justement le hadith par la suite. Et cela par deux ans. الأول أن الله تعالى قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Que Allah il a dit quoi dans le hadith? Que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions rogatoires jusqu'à ce que je l'aime. وَقَالَ وَلَئِنْ سَيَلَنِي لَعْتِيَنَّ وَلَئِنْ سَتَعَذَنِي لَعْرِذَنَّ. Que si Amil me demande, je lui accorderai, et s'il demande refuge, je l'abriterai. فَأَثْبَتَ عَبْدًا وَمَعْبُودًا مُتَقَرَّبًا مُتَقَرَّبًا مُتَقَرِّبًا إِلَيْهِ وَمُحِبًّا وَمَحْبُوبًا وَسَائِلًا وَمَسْئُولًا وَمُعْتِيًا وَمُعْطًى وَمُسْتَعِيذًا وَمُسْتَعَاذًا بِهِ وَمُعِيذًا وَمُعَاذًا. فسياق الحديث يدل على اثنين متبينين كل واحد منهما غير الآخر وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر وجزءا من أجزائه. Donc Allah l'a bien différencié entre quoi? Entre l'adorateur et l'adoré. Entre celui qui se rapproche et celui vers qui on se rapproche. Entre celui qui aime et celui qui est aimé. Entre le demandeur et le demandé. Enfin, on va dire le questionneur et le questionné. Entre celui qui donne et celui qui reçoit. Donc il y a bien une différence entre les deux. Donc comment Allah pourrait-il être son ouïe, sa vue, sa jambe et sa main alors qu'il a bien différencié entre lui et son serviteur? والوجه الثاني أن السمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعدا لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا للمخلوق. Donc bien évidemment que l'ouïe, la vue et la main et la jambe sont des descriptifs et des parties de la créature qui, elle, est arrivée par la suite. C'est-à-dire, c'est une créature qui avant était néant et ensuite a été créée. Donc, il n'est pas possible pour toute personne dotée de raison de penser que le Khaliq, le créateur, celui qui était là sans début, puisse justement devenir une chose qui, elle, à la base, a eu un début et qui est créée. Mafhoum hadha? Bel inna hadha al-ma'na test تشمئز منه النفوس أن تتصوره ويحصل اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير فيكون يسوغ أن يقال إن ظاهر الحديث القدسي أنه قد صرف عن هذا الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا نعصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Donc le fait de penser cela est une chose justement qui fait frémir les âmes. Tu peux même pas t'imaginer cela. Ou que même une personne se permet de dire cela, même en sous-entendu ou en supposition. C'est pas possible. Même c'est pas possible. فيتبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله وبيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله شرعا واتباعا. Donc là, quand tu as compris que le deuxième call, ou plutôt le premier call est batil, qu'est-ce qui te reste comme call? Le deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que Allah, il renforce et accorde le tawfiq à son serviteur dans ce qu'il entend, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il prend, ou vers là où il se rend, et cela parce que le serviteur le fait par sincérité, par suivi, et le fait pour Allah Azzawajal, comme on l'a dit au tout début. فيتم له ذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة هذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة. Donc ça c'est comme ça que les salafs l'ont expliqué. Donc le faire de la sorte ne sort pas le texte de son apparent de base, tout simplement. Le problème, c'est que les gens l'apparent, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'une chose apparente, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et est-ce que ce que toi tu vois comme étant n'étant pas apparent, ne l'est pas en réalité? C'est là qu'il y a le tachabout, la confusion chez beaucoup de personnes. Ils se limitent à un apparent, alors que l'apparent est plus large que cela. Ce maqal, El Mithel et Thani Achar. Sanok Mil et Def Sbiad El Mithel. قال فيما قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. Dans le hadith Qudsi, car Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Celui qui s'approche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui s'approche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui ba'an. Ba'an. Je ne sais pas comment traduire ba'an, c'est une distance plus grande qu'une coudée en tout cas. Et celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en accourant. قال وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15. نعم. وهذا الحديث كغيره من النصوص دلت على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى وبالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Donc cela ce sont parmi les textes qui démontrent que Allah Azza wa Jal fait des actes qu'il choisit de faire. Elle a fait l'ikhtiyariya, des choses qu'il fait comme il veut, quand il veut. Tamam, comme cela a été affirmé par des adillah dans le kitab, dans la sunnah. Après, c'est à le verset. وَمِنْهُ كَذَلِكْ قَلُوا تَعَلَىٰ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا. Que ton Seigneur vient ainsi que les anges rang par rang. وَقَلُوا تَعَلَىٰ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةَ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْدْ أَيَتِي رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْدْ أَيَتِي رَبِّكَ. Est-ce qu'ils attendent que ne leur viennent les anges ou que leur viennent leur Seigneur ou que leur viennent certains signes de leur Seigneur, c'est-à-dire les signes de la fin des temps, que le soleil se lèvera de son couchant. Donc là, il y a que an yatiya rabbuk. C'est-à-dire que leur vienne ton Seigneur. Ar-Rahman ala al-Rashistawa. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir. Que Allah azza wa jal descend au ciel de cette dunya lorsqu'il reste le troisième tiers de la nuit. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ما تصدق أحد بصدقة من طيب لا يقبل الله إلى الطيب عفوا بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلى الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. Que aucun d'entre vous ne fait une sadaqa prise d'une chose d'une bonne chose et Allah n'accepte que ce qui est bon sans que le Rahman ne prenne cette sadaqa par sa main droite. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. Ce texte démontre que Allah à des actes qu'il fait selon sa volonté, selon son choix. فَقُولُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ وَأَتَيْتُهُ هَرْهُوَلَا. Qu'il a dit, je me rapproche de lui et je viens vers lui en accourant. مِنْ هَذَا الْبَابِ. C'est dans les actes, اِخْتِيَارِهَا. Que Allah, il choisit, qu'il fait comme il veut. وَالسَّلَفُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُجْرُونَ هَذِي النُّصُوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا وَحَقِيقَةُ مَعْنَاهَا اللَّائِقُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. Que les salafs le prennent selon l'apparent, sans takif, sans tamthil. Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi sharh hadith al-Nuzul. Dans le hadith du Nuzul, qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam dans Majmou al-Fatawa? Amma dunuhu nafsuhu wa taqarrubuhu min ba'di ibadihi fa hadha yuthbituhu min man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyya bi nafsihi wa ma ji ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين أهل الحديث والنفل والنقل عنهم بذلك متواتر. Donc il dit quoi, Cheikh l'Islam, que son rapprochement, c'est-à-dire d'Allah Azza wa Jal, de certains de ses serviteurs, on l'affirme, l'affirme toute personne qui aura affirmé ses actes qu'il aura fait par son propre choix, comme sa venue يوم القيامة ou sa descente ou son istiwa sur le arsh. Ça c'est le mazhab des salafs, des imams des salafs qui sont célèbres dans le livre du hadith, et cela a été rapporté d'eux en grand nombre. فَأَيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقْرَبْ مِنْ عَبْدِهِ كَيْفَ يَشَى مَعَ عُلُوِهِ. Qu'est-ce qui empêche de dire qu'Allah se rapproche de son serviteur comme lui il le veut tout en étant élevé? وأي مانع يمنعه من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل. Taïeb, qu'est-ce qui l'empêche cela ? Soit qu'on ait besoin de faire un taqif ou un tamthil. De sa venue. وإلا هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على وجه الذي يليق به. Et cela justement n'est qu'une preuve de sa perfection, qu'il fasse ce qu'il veut comme lui il veut et comme cela lui convient. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولا يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه Et cela, certains ils ont expliqué cela, ce hadith, du fait qu'il vient en accourant, qu'en fait que Allah accepte rapidement Tayyib de son serviteur qui se rapproche de lui, par ses actes et par son cœur. C'est-à-dire que Allah, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Que Allah en fait plus vers son serviteur que son serviteur en fait vers lui. S'il sent de lui l'ikhlas et la sincérité. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث ومن أتاني يمشي ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد والمشاعر ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. Donc maintenant, ceux qui ont expliqué cela, ils disent comment ? Que le rapprochement du serviteur vers Allah ne se fait pas qu'en marchant. Il peut se faire par d'autres actes. D'accord ? Celui qui désire s'approcher d'Allah Azzawajal peut se rapprocher de lui en marchant ou par d'autres moyens. Mathalen, en marchant comme le fait d'aller au masjid ou dans les rites du hajj, du jihad, fisabilillah. Et également, il peut se rapprocher par Allah, d'Allah comment ? Par son recours. Par son sujoud. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que là où le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est quand ? Dans son sujoud. Donc, ils disent que c'est plus large que le fait de marcher vers Allah, mais dans tout acte que tu feras vers lui, en étant sincère, que Allah te rendra cela en décuplé. Ils ont fait un ta'wil qui est un wajj, mais après, lui voit que le premier, le cours de Shah l'Islam, est akram. Mais ce ta'wil-là, Shir Abou Bilal l'a cité il y a quelques jours. بل قد يكون تقرب إلى الله وطلب الوصول إليه العبد والعبد متجعون على جنبه كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم que même son rapprochement vers Allah peut se faire alors que le abd il est comment allongé sur son lit comme dans le verset où Allah dans le sens où il dit ceux qui évoquent Allah en étant debout ou assis ou sur leur côté c'est-à-dire allongé وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Imran? Il a dit fais la salat en étant debout et si tu ne peux pas alors en étant assis, si tu ne peux pas alors en étant sur le côté. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازة الله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه فإن كان بطيئا جازه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل وصار هذا وظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. Donc cela inclut, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'en fait Allah, tamam, celui qui s'approche de lui, même s'il est lent, mais qu'il est sincère, que Allah en fera plus pour lui. Hadha huwa adh-dhahir. Et de façon plus complète et de façon meilleure. Et cela avec des qara'in, il y a des choses qui le démontrent, d'autres hadiths qui le démontrent que c'est un ta'wil qui est sahih si jamais on le faisait. وإذا كان ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. Donc maintenant, si on prend les autres qara'in, les autres indices pour expliquer ce hadith dans ce sens-là, cela ne sera pas, on n'aura pas sorti le hadith de son apparent et nous on aura fait un ta'wil comme le font les gens du ta'til. Donc ces gens-là n'auront aucun argument contre les gens de la sunna. وهذا الحديث كغيره من النصوص دلت على قيام الافعال الاختياريه بالله تعالى وانه سبحانه وتعالى فاعل لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنه. وما ذهب اليه هذا القائل لو حظ من النظر ولكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى أن المعنى من يأتيني يمشي في عبارة تفتقر للمشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي في المساجد للصلاة ومن ماهيتها كالتواف والسعي والله تعالى أعلم. Donc il dit maintenant celui qui a dit cette ta'wil-là qu'on a cité tout à l'heure, le dernier là, qu'en fait c'est que Allah te donne plus que ce que tu lui as donné et de façon plus complète. C'est une chose, elle a un wajh, d'accord, une part de vérité. Cependant, le qaul premier est plus convenable et plus serein et plus apparent. D'accord, et plus apparent. Et après, il répéta ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à ce ta'wil. نعم فهذا الذي أخذنا اليوم من الشبهات on a pris 3 ensemble on a pris plus on a pris la 9e la 10e la 11e la 12e 4 ça fait نعم مفهوم هذا طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين